tu me demandes à quoi je pense. Il est l'heure d'aller faire coucher ta descendance. Je veux que tu saches à quel point t'as de la chance. Je veux que tu me dises ma femme, lève-toi et puis danse pour moi. C'est nous, nous. Ce soir je suis à toi, y'a pas de doute, doute. Ouh, ouh. Mais ça sera jamais assez. Je regrette déjà ces futurs moments passés. On s'énerve, on se fuit. On se retrouve, on se suit. Je te rends ouf, je te séduis. C'est les jours et les nuits. On s'énerve, on se fuit. On se retrouve, on se suit. Je te rends ouf, je te séduis. C'est le jour et la nuit. On fera comme si on comme si on allait mourir demain. Tout recommencer comme si on allait mourir demain. Recommencer le premier rendez-vous. Tout est net mais je veux que tu vois flou. Même si tu ne vois pas, je veux que tu sois sous. Je vois le sommet, on était dans le trou. Je suis tellement loin quand je pense à tout. Nous, nous, ce soir je suis à toi, y'a pas de doute. C'est le jour et la nuit.